Il y a des gens bronzés parmi nous qui viennent du sud. Jacques et Réjeanne. Bonjour. Je disais, il y avait des gens bronzés parmi nous qui reviennent du sud. Ce matin, on fait une parenthèse, on n'est pas dans Hébreu. On a une prédication différente. Mais en fait, la pensée reste la même parce que le Seigneur veut quand même communiquer son message à l'Église, qui est à mon sens souvent le même. Vous permettez de prier? Même si j'ai la prière, j'aimerais prier. Juste pour moi. Seigneur, merci. Merci que nous sommes avec toi, que tu es au milieu de nous maintenant. Et nous avons cette ferme assurance que nous marchons avec toi. Seigneur, prends-moi, prends tout ce que je suis maintenant, qui soit à ton entière disposition, Seigneur. Père, que je ne sois pas un obstacle à ton message pour l'Église. Amen. Il va y avoir trois parties au message ce matin. Le thème du message, je vous le donne, la foi en Jésus et l'évangélisation. C'est le thème ce matin. On va regarder trois parties. On va regarder la foi en Jésus et ses possibilités. On va regarder ensuite la foi en Jésus mise en pratique par les premiers disciples et finalement un appel à la foi pour nous, qui va être très pratique aussi. C'est comme ça que j'aimerais vous l'exposer aujourd'hui. Alors, il va y avoir beaucoup de versets. J'aime mieux vous le dire maintenant, parce qu'on prêche la parole de Dieu. Donc, voilà. En lisant la Bible, j'ai découvert quelque chose. C'est que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. J'ai vu que le Seigneur dit cela depuis le début. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je ne changerai pas. Je ne change pas. Tu demeures toujours le même, c'est écrit dans Hébreux 1. Le ciel et la terre passeront. Tu les rouleras tous comme un vêtement, mais toi, tu demeures le même. Et ça me donne beaucoup de joie de savoir que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Et c'est pour ça que dans Hébreux 13, la parole de Dieu peut, avec force, dire, en ce qui concerne les conducteurs, ceux donc qui nous ont précédés et ceux qui sont parmi nous, mais particulièrement ceux qui ont précédé, on peut les regarder et Dieu dit « imitez leur foi ». Imitez leur foi parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la foi en Jésus et ses possibilités, on va regarder ça. J'avais apporté, il y a plusieurs mois, un message concernant les principes clés du royaume de Dieu, quand il y avait Gisèle et Suzy qui étaient venus parmi nous comme missionnaires, et je vous présentais un plan d'évangélisation qui comprenait trois points, et ces trois points revenaient à un seul en réalité, qu'on va voir encore aujourd'hui. C'est sensiblement les mêmes passages, parce que Jésus-Christ, il n'a pas changé. On va regarder, pour commencer, un passage où on voit la foi en Jésus et ses possibilités. Regardez avec moi dans Marc. Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11. C'est un moment où le Seigneur a maudit un figuier. Il l'avait maudit la veille. Et il lui a dit dans 11:14 que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Qui est-ce qui parle? Qui croit ici que Jésus est digne de confiance? Qui croit que ce que Jésus dit, c'est la vérité? Est-ce que quelqu'un douterait que ce que Jésus dit, il ne peut pas le faire? Ça se peut que quelqu'un doute. Combien croient ici que Jésus peut tout faire? Il peut tout faire. Combien croient que ceux qui ont la foi en Jésus peuvent tout faire? Quelques-uns. Je vous taquine, hein, mais rappelons cette question. Rappelons-nous cette question. Parce que Jésus dit, ôte-toi, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Il y a une petite expression entre virgules ici, qui est la clé de la réussite ou de l'échec. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Et j'ai l'impression, moi, d'avoir dit souvent ce que je vais vous dire maintenant, mais je vais quand même le redire. Jésus, il parle de façon littérale ici. Comment est-ce que je peux savoir ça de façon claire? C'est qu'il vient de maudire un figuier qui a séché. Il ne parle pas de façon symbolique. Il a séché un figuier jusqu'aux racines. Les disciples l'ont vu de leurs yeux. Et Jésus parle maintenant et dit, si quelqu'un dit à cette montagne, etc., et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit, il va voir la chose s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. La foi en Jésus et ses possibilités. La foi en Jésus, elle n'a pas de limite. Les possibilités de la foi sont sans limite. La limite à la foi, c'est l'incrédulité. La limite à voir quelque chose arriver, c'est le manque de foi. Le manque, la petite foi ou l'absence de foi, l'incrédulité. Matthieu, chapitre 17. Verset 20. C'est semblable ce que le Seigneur dit. Il ajoute quelques paroles que j'aimerais vous communiquer. 17, 20. Bon, les disciples n'ont pas pu chasser le démon du fils de cet homme-là qui est venu s'enquérir auprès d'eux, leur demander de faire ça, de chasser le démon de son fils. Les disciples posent la question au Seigneur, pourquoi, au verset 19, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et le Seigneur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Certains vont voir petite foi dans leur Bible. Regardez la note de bas de page, c'est écrit que vous avez aussi incrédulité. Et dans le contexte, c'est absolument favorable comme parole. Mais de toute façon, c'est à cause de l'incrédulité ou de la petite foi. C'est un problème de foi de toute manière. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. rien ne vous sera impossible. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à celui qui a la foi, petite comme un grain de moutarde? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, amen, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Donc, ma compréhension, c'est si tu as de la foi, tu as besoin de la foi. Parce que même à la question des disciples, quand ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi, vous avez besoin de la foi. C'est ça que vous avez besoin. Parce que petite, c'est de la foi. Et la foi est suffisante et sans limite pour voir l'impossible prendre place devant nos yeux. Deux passages. Ce que j'aime, c'est que Dieu dit que la foi vient de ce qu'on écoute. La foi vient de l'écoute. Et l'écoute vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on entend. L'écoute de la parole produit la foi. L'écoute de la parole de Dieu nourrit la foi. C'est la parole de Dieu qui est la semence, Dieu dit. Et elle produit la foi dans le cœur. Comment? Si je m'attache à ce que le Seigneur déclare, je le prends et j'agis selon ce qu'il dit. On va voir ça un peu plus concrètement tantôt, par la grâce de Dieu. Mais c'est extraordinaire que la parole de Dieu ait nourri la foi. Je peux prendre Dieu au mot. En fait, c'est le plaisir du Seigneur que ses enfants le prennent au mot, le croient. Cette même foi-là qui vous a fait croire un jour que Christ est mort pour vos péchés, cette même foi-là, c'est celle-là qui vous garde tout le long de votre vie, qui est votre assurance jusque dans la présence complète de Dieu. Cette même foi-là que Dieu a déposée, la parole de Dieu la nourrit. Et vous savez, quand c'est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il y a quelque chose de spécifique ici à réaliser, à comprendre. C'est que c'est pas le même mot que quand vous lisez Jean 1, où c'est au commencement était la parole. Mais la parole, ici en question, de la parole de Dieu, c'est des paroles précises que Dieu a déclarées. C'est pas juste la parole au sens large, mais c'est des choses précises que Dieu a dit, que Jésus a dit. C'est une nuance importante. Quand vous lisez, par exemple, dans l'Évangile de Jean, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mes paroles, ce n'est pas juste un concept vague, là, large, là. C'est des paroles précises que Jésus a dites, auxquelles je peux m'attacher et absorber là, et vivre selon ces paroles-là. C'est une nourriture. Quand Dieu dit dans Matthieu 4:4, Jésus déclare à l'ennemi, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand je vous dis, quand Dieu dit ça, ne vivra pas de pain seulement, on n'a pas en tête, là, je sais pas moi, une industrie de pain, là. On pense à du pain. Et quand on mange, c'est un morceau de pain à la fois. Un morceau de pain à la fois. Miette à pied, mettre bouchée après bouchée. C'est ça qu'on pense. Mais de toute parole, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, l'homme va vivre. De chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce que Dieu déclare, c'est la nourriture pour moi. Pour nous, là. Ce qu'il déclare, c'est notre nourriture. Ce qu'il déclare au sujet de... qui ont des possibilités de la foi, ces paroles-là deviennent de la nourriture pour ma foi si je les accepte, si je les fais miennes. Combien pensent que Dieu peut sauver? Combien pensent que Dieu veut sauver? Ça, c'est clair, hein? Comment vous savez ça? La parole de Dieu? Je lis dans la parole de Dieu que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je sais que parmi les femmes, vous avez appris les attributs, les qualités du Seigneur, du Père et du Fils. C'est pas vrai, Valérie? C'est puissant, ça. Mais c'est pas juste pour les apprendre puis dire « c'est extraordinaire ». C'est que chaque attribut de la personne de Dieu m'amène à prier Dieu d'une façon bien précise et de m'attendre à une action de sa part, selon qui il est, basé sur qui il est. Exemple, sachant que Dieu se dit sauveur, que le Fils se dit le sauveur, quand je m'approche du Seigneur, quand je crie à lui, je suis assuré que si je cherche le salut, le sauvetage, ben il peut me sauver. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour chaque attribut de Dieu. Il est l'Éternel qui pourvoit, donc je peux m'attendre à ce qu'il pourvoie. Ce n'est pas juste une belle qualité de la part du Seigneur qui est belle sur mon mur. Non, il faut qu'elle soit quelque part sur le mur de ton cœur et que nous agissions selon elle. Parce que Dieu, il est fidèle. La foi en Jésus et ses possibilités. Dieu dit, et Michel, il y a 2 semaines, l'avait cité. Je vais le remettre parce que je ne vois pas sinon. Pas assez bien. Michel avait cité Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de lui être agréable. Une impossibilité. Et la foi, c'est premièrement que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il donne à ceux qui le cherchent. Ça, c'est la foi complète. Juste m'approcher de Dieu, savoir qu'il existe, c'est pas la foi, ça. Dans l'Épître de Jacques, c'est que les démons savent, croient que Dieu existe. C'est pas la foi, ça. Croire que Dieu existe, ce n'est pas la foi. La foi, c'est que croire que Dieu existe et qu'il peut quelque chose, et qu'il veut quelque chose, et qu'il récompense, et qu'il donne. Combien croient que ce que Dieu donne est bon? Êtes-vous sûr que ce que Dieu donne est bon? Comment vous êtes sûr que ce que Dieu donne est bon? C'est écrit dans Jacques 1, 16 et 17. Tout ce qui nous est donné de bon, tout don parfait, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a pas de changement, ni l'ombre d'une variation. J'ai l'assurance que ce qui vient de Dieu est bon. Il n'y a pas de mauvais qui vient de Dieu. Si quelqu'un doute, et vous allez voir que c'est bien subtil. Parce qu'on est dans des circonstances, des fois on dit, ah, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a éprouvé là, Dieu m'a... Ce qui est bon vient de Dieu. Que personne, quand il est tenté, dise, c'est Dieu qui me tente. Il n'est pas tenté par le mal. Tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est tout. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est la foi qui me donne de saisir ce que Dieu dit. Et de me dire, Amen Seigneur, je sais maintenant que ce que toi tu donnes, c'est bon. C'est pas mauvais. Bon. La foi en Jésus, ses possibilités, rien ne vous sera impossible. OK? Et ailleurs, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. On a de la difficulté à croire ça. Que tout est possible à celui qui croit. À celui qui prend Dieu au mot. Il y a vite des exemples comme ça, rapidement. Jésus dit aux disciples, allez dans tel endroit, vous allez rencontrer un homme avec une cruche, il va avoir un âne, dites-lui, le Seigneur en a besoin, il va le détacher, il va vous le donner, vous allez... Ils vont, ils trouvent exactement les choses comme c'était. J'espère que vous vous rappelez un peu de l'événement, là. Mais, ça là, c'est la foi sur la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit, ils ont agi. Et ils ont trouvé les choses exactement comme ça. C'est un miracle, ça. Dis à Pierre, Pierre, va. Premier poisson que tu trouves, il va y avoir 2 staters dans la bouche de ce poisson-là. Ça va payer pour moi et pour toi. Pierre va, pêche, trouve 2 staters comme le Seigneur l'a dit. Le premier poisson, c'est la foi, ça. agit sous la parole de Dieu. Okay? La foi en Jésus et ses possibilités. Nourrissez-les vous-même, ces 5000 hommes. OK, on va aller au deuxième point. La foi en Jésus mise en pratique par les premiers disciples. On va regarder ça dans Luc 10. Michel a mentionné il y a deux semaines que quand il lit les Écritures, et je les lis comme lui, nous les lisons comme lui, ce qu'il voit, c'est non pas l'addition de gens dans l'Église, non pas l'addition d'Église, mais il voit la multiplication. C'est ça qu'il voit. 3000, c'est pas juste une addition, c'est une multiplication. Si on veut juste faire la nuance. Et ce qu'il voyait, c'est que dans les Écritures, le nombre de personnes qui s'ajoutaient à l'Église, et quand la Bible parlait d'ajout à l'Église, c'était des gens qui n'étaient pas sauvés, qui étaient ajoutés à l'Église. Et je vois la même chose. Des gens qui n'étaient pas sauvés, ajoutés à l'Église. On ne peut pas ajouter à l'Église ceux qui sont déjà l'Église. C'est impossible. Je dirais... Si... Le Seigneur déclare ça dans la parole de Dieu. Donc, je dois m'attendre, je dois me réjouir de cette possibilité-là. Quand le Seigneur dit à Adam et Ève, « Multipliez-vous sur toute la terre, peuplez la terre. » Bon, après le déluge, il dit à Noé, « Multipliez-vous sur toute la terre, peuplez la terre. » On arrive dans Genèse 11, les hommes se rassemblent entre eux, les humains, l'être humain, et décide de faire un projet commun afin de ne pas être dispersé sur la terre, contraire à la parole de Dieu. Et Dieu envoie un jugement. Et c'est les langues. Les langues viennent d'un jugement. C'est pour ça qu'il y a des langues sur la terre. C'est un jugement, les langues. C'est pas une bénédiction, c'est un jugement. C'est ça que je vois par la parole de Dieu dans Genèse 11. Et là, quand j'arrive dans Matthieu 28, Jésus dit quelque chose de semblable. Il dit, « Multipliez-vous sur la terre, peuplez la terre, assujettissez-la, et voilà, je suis avec vous jusqu'à ce que je reviens. C'est la fin du monde. » C'est pas ces mots-là un peu? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En d'autres termes, multipliez-vous sur la terre. Multipliez-vous. C'est le même appel. C'est le même Seigneur. Luc chapitre 10. Après cela, verset 1, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui deux à deux dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sous cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez sur ces places et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez pourtant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Verset 16, ça répond, pourquoi elle va être traitée moins rigoureusement que celle qui a rejeté? C'est que celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le premier point qu'on essaie de regarder ensemble et qui va traverser les autres, La foi en Jésus, c'est possibilité. On a vu que c'est rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si on ne doute pas dans notre cœur, Jésus dit, demandez tout ce que vous voudrez en priant, croyez et vous le verrez s'accomplir. Et le Seigneur ne donne pas de précision. Il n'y a pas d'exception. Il dit ailleurs, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je bénis Dieu que ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui dit ça. Et je veux m'appuyer sur Jésus, sur ses paroles à lui. Maintenant, dans Luc 10, la foi en Jésus mise en pratique par les premiers disciples. Mission d'évangélisation, une mission que les disciples reçoivent de la part du Seigneur, qui est la nôtre. Les 70 nous représentent, OK? Ils nous représentent. Je bénis Dieu qui a mis ces 70-là dans la parole de Dieu, parce qu'autrement, on pourrait dire que ça concerne juste les 12. Mais c'est les 70 ici, OK? Des gens comme vous et moi. Bon, première observation, le Seigneur, c'est lui qui les désigne. Il en désigne 70 encore. Et on va vous parler tantôt d'un projet, OK? Et je crois que Dieu désigne déjà des gens. Le Seigneur désigne 70 autres et les envoie devant lui, deux à deux, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Donc, où il doit aller, il envoie ses disciples, deux à deux. Et là, le Seigneur a fait connaître son cœur, sa vision. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il les envoie avec ça dans le cœur. La moisson est grande, mes amis, mais il y a peu d'ouvriers. Et là, il leur donne une instruction. Donc, priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prier, c'est supplier. C'est une demande. Supplier le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il dit cela et ensuite il leur dit, partez. Littéralement, allez, ici c'est partez. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il les place en équipe de deux. Il leur fait connaître leur cœur, son cœur. La moisson est grande, peu d'ouvriers, c'est une vérité. Est-ce que nous croyons que la moisson est encore grande aujourd'hui? Il me semble qu'on doit croire ça encore. Du moins que Dieu a encore un peuple, encore des gens qu'il veut sauver. Une des preuves, c'est qu'on est encore ici dimanche matin. C'est juste ça, c'est suffisant. On est encore ici. Autrement, on ne serait pas là. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il les envoie et en même temps, il leur donne ce souci-là de prier que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson. Et j'aimerais vous donner une perspective de ce que Jésus dit. C'est que les ouvriers, là, il y en a 70, mais où ils vont y trouver les ouvriers? Où se trouvent les ouvriers? Comment? C'est des disciples. Ils se trouvent dans la moisson, les ouvriers. D'où vous venez-vous? Étiez-vous toujours des disciples du Seigneur? Vous venez de la moisson? Le Seigneur envoie les gens chercher d'autres ouvriers dans la moisson. C'est ça qu'il fait. Il va dans la moisson, et alors qu'ils vont dans la moisson, ils prient, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Et les gens sont sauvés. Et ça devient des ouvriers du Seigneur. Il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça, c'est-à-dire dans un état sans défense, un état de dépendance au Seigneur. Et on va voir cet état de dépendance-là tout de suite après. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. OK? Il faut comprendre, là, deux. Pas deux sandales. Pas d'habit de rechange. C'est ça l'idée, là. Pas d'habit de rechange. Pas de bourse, pas de sac, pas d'argent, pas de nourriture, pas de moyens de défense. Dans un état de dépendance, ils vont en voyage. Parce qu'ils sont allés, puis ils sont allés un certain temps, ça ne prend pas 10 minutes. Nous, on lit, ça prend même pas cinq minutes, là. Ça prend quelques secondes, lire ça. Puis les disciples reviennent et disent, Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom, ils sont dans la joie, puis Jésus leur parle, tout ça. Mais ça a pris du temps, là. Ils ne font pas 5 minutes, on a chassé un démon, on vient, Seigneur, et on a chassé 100 démons, c'est extraordinaire, tu sais. Non. Ils sont allés dans les villages, dans les villes, dans tout lieu où Jésus devait aller, un certain temps. La Bible n'en parle pas combien de temps. Ils ont fait ce que Jésus a demandé. Ils sont allés prêcher le royaume de Dieu. Il leur a dit, si vous allez, quand vous allez, ne saluez personne en chemin. Ma compréhension, faites pas de social. Faites pas de social. On n'est pas là pour faire du social. On est envoyé par le Maître pour annoncer le royaume de Dieu, proclamer l'évangile de Jésus-Christ. On n'est pas là pour faire du social. Ça veut pas dire de pas être aimable, mais on n'est pas là pour perdre notre temps dans des conversations mondaines qui mènent nulle part. Ambassadeur pour Christ, quand on est envoyé dans un contexte bien précis. Pourtant, si les disciples rencontraient, entraient dans une maison et qu'il y a là-bas un enfant de paix, le Seigneur leur dit, dites d'abord, première chose, que la paix soit sur cette demeure. Et s'il y a là un enfant de paix, votre paix va reposer sur eux. Il y a quelqu'un derrière moi? C'est sérieux la tâche à laquelle le Seigneur nous appelle, pas de distraction en chemin. Les commentateurs disent que les salutations en Orient, c'est interminable. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ah oui, et toi, et moi, et mon frère, et mon ami, et qu'est-ce que tu as fait de bon? Et comment va la famille? Comment va le père? Comment va la tante, le chien? Puis c'est interminable, là. Mais il y a une petite différence là, entre moi et ma femme. Moi, mes parents, ma mère est égyptienne, mon père est libanais. Quand on se parle au téléphone, ça prend un certain temps pour dire « Allô papa, bonjour Michel, comment ça va? Oh, »« Ça va bien, toi? »« Oui, ça va bien. » On demande, on fait le tour de la question « Comment ça va? » Bon, je t'appelais papa pour ça. Mais c'est comme ça, je vous assure. Manon, elle parle à ses parents. « Bon, allô maman, ouais, ça, tu sais, l'affaire, là, tu sais. » Elle raccroche après. Ça prend 2 minutes. Je me suis dit, t'as pas demandé comment ça va? À ta mère? Elle m'a dit, je sais comment elle va. Vas-y. Salam alaikum, quoi. Mais, je peux comprendre, si c'est ce que Jésus voulait dire, je peux comprendre, mais je crois que c'est vrai de penser que c'est l'aspect du social, pas perdre de temps dans les relations en chemin, parce qu'on est là pour une tâche. Notre frère Guy Lavoie dit toujours, nous cherchons ceux qui cherchent. J'aime peut-être le redire de la manière que nous cherchons ce que Dieu cherche. OK? Donc, dans quelques maisons que vous entriez, OK, dépendance au Seigneur. Et à la fin, dans Luc, Luc 22, 35, si vous voulez le lire, c'est après. Le Seigneur allait être crucifié dans quelques heures. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Il leur répondit, « De rien. » Le Seigneur leur a appris à dépendre de lui en chemin. Il y a vraiment des principes qu'on peut vraiment, littéralement appliquer quand nous annonçons l'Évangile. Quand nous allons dans un village, une ville, un pays, en région, pour annoncer l'Évangile, le Seigneur nous donne un principe, une instruction, d'aller deux par deux. Il faut faire ça littéralement, là. Il y a un certain temps, je vous avais dit que la clé, dans le fond, l'annonce de l'Évangile, c'est la foi. Et l'évangélisation, c'est un acte de foi. C'est vraiment un acte de foi. parce que je dépends du Seigneur. Et on apprend dans notre cours sur l'évangile de selon comme acte, comme dans les actes, que Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, ou même de la puissance, quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, et vous serez mes témoins. Et Jésus dit, il pousse la chose. C'est lui qui le dit. Dans Jean 14, 12 à 14, il dit, en vérité, est-ce que c'est important quand Jésus dit ça? Certainement, tout ce qu'il dit, c'est important. Mais on dirait que des fois, il vient insister sur quelque chose. Il dit, amen, amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Là, on lutte. Là, on lutte dans notre cœur. Là, l'incrédulité envahit notre cœur des fois. Là, c'est difficile. Moi, j'ai lutté avec ce passage-là longtemps. Et j'ai raisonné ce passage-là longtemps. Et je me dis, ah là, Seigneur, il parle ici de l'Église, dans le fond, qui va se répandre. Non, il dit celui qui croit. Il peut parler de l'Église, pas d'une personne. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Mais il veut dire ce qu'il veut dire. Je bénis Dieu, le Seigneur Jésus, que quand il parle, il n'explique pas. Il déclare des choses. Et la foi en sa parole nous fait comprendre ce qu'il veut dire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. C'est tout ce qu'il dit. Et il en fera de plus grandes. Alors là, je regarde la Bible et je regarde ce que Jésus faisait. Et Dieu dit, il fera aussi les œuvres qu'il fait. Il en fera de plus grandes. Dans Luc 10, Jésus envoie ses disciples, non sans défense, oui, sans bâton, sans habits de rechange, sans argent, sans nourriture, mais il les envoie avec un équipement puissant, sa présence. Sa présence toute puissante. Et au chapitre 10, au verset 19, le Seigneur leur dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné cette puissance-là. Ici, serpent et scorpion, il faut comprendre l'ennemi Satan, sous les démons. Et c'est ce que Jésus dit ici. Je vous ai donné cette puissance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les disciples sont allés, comme Jésus leur a dit, sont allés annoncer l'Évangile. Et quand ils reviennent, ils disent, Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Et là, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ma compréhension, alors que les disciples sont envoyés, agissent au nom du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de quoi qui se passe, là? Les ténèbres sont ébranlées. Voyez-vous, il y a de quoi qui se passe. Quand les disciples du Seigneur s'en vont au nom du Seigneur, faire les œuvres du Seigneur, il y a quelque chose, l'ennemi du Seigneur est ébranlé. C'est une guerre réelle qui se passe. Et dans Luc 9, quand le Seigneur envoie les 12, Luc 9, 1, il leur dit, il appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Ça, c'est l'équipement que Jésus donne à ses disciples. Et au 70, c'est le même équipement. Parce que, regardez au verset 9, il leur dit, Geneviève, Daniel, Nancy, guérissez les malades. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit au verset 9, « Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades. » Mais je n'ai pas pris de cours, Seigneur, pour guérir les malades. Je ne suis pas médecin. Il dit, « Guérissez les malades. » Et dites-leur, « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » C'est ce qu'il leur a dit au 70. Et là, ils reviennent et ils découvrent que dans ce que Jésus dit, ça incluait beaucoup de choses. Ça incluait, entre autres, la puissance sur les démons. OK? Ne soyez pas ébranlés par ces mots, je vous en supplie. C'est la parole de Dieu. Les 70 revinrent avec joie. Donc, on prend ça. J'arrive à mon troisième point pour l'appliquer à nous. Il y a certains points ici qu'on veut ressortir. Michel a dit, il y a 2 semaines, que le Seigneur a droit. Il a droit de réclamer du fruit de son jardin. Il a le droit de s'attendre à ça. Et je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Il a le droit de réclamer du fruit de son jardin. C'est son jardin. Nous sommes son jardin. Et il a le droit de s'attendre à ce que ses enfants lui obéissent. Et il a le droit de s'attendre à ce que ses enfants le prennent au mot. Il fasse confiance, autrement dit. Dans l'annonce de l'Évangile, nous nous mettons tellement de fardeaux. Pas des choses mauvaises, nécessairement, mais des choses desquelles nous, souvent, par mégarde, nous dépendons, au lieu de dépendre de l'Esprit de Dieu et de tout ce qu'il veut faire à travers nous, à travers ses enfants. Et c'est lui qui décide, là. Moi, j'ai à être dépendant de lui, à être conscient de qui il est. OK? Par exemple, j'ai déjà donné le cours EE, évangélisation explosive. Tu as lutté avec ça, Hélène, hein? Je m'en souviens. Hein? Avec raison pour bien des endroits. Je le dis de ma bouche. Parce qu'on apprend des choses par cœur. C'est pas mal. Apprendre l'Évangile, les versets par cœur, c'est pas mal. Apprendre des exemples par cœur, j'ai aujourd'hui un peu plus de difficultés. C'est pas mal. Ça nous aide à présenter des choses. Mais si je suis attaché à ça, si c'est toujours constamment de la façon dans laquelle j'annonce l'Évangile, je peux dépendre plus de ce que j'ai appris des exemples, plus que de la parole de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on dépende de lui. Il dit, il a tout donné. Je vais tout donner. Okay? Tout ce qui contribue à la vie et la piété sont en lui. Okay? Par sa connaissance. Maintenant, il y a 2 semaines, quand Michel est venu, je comprends qu'il a prêché ce qui était sur le cœur de Dieu. À chaque fois qu'on prêche, il faut croire que c'est Dieu. Dieu veut nous dire quelque chose. Il y a quelque chose à nous dire. Et ce qui ressortait, c'est que l'Église de Jésus-Christ est appelée à annoncer l'Évangile, à faire des disciples. C'est ce que Jésus dit. Et je bénis Dieu pour ce qui a été dit. Je n'ai pas besoin de le redire, il a préparé la table. Maintenant, ce que j'aimerais amener devant vous, c'est un projet. Un projet d'annoncer l'Évangile. D'annoncer l'Évangile, vous connaissez Saint-Charles, Saint-Denis, sur Richelieu. Vous connaissez Saint-Antoine sur Richelieu, Saint-Marc sur Richelieu. Et différents endroits comme ça. Dieu a mis dans le cœur d'annoncer l'Évangile, de répondre à son appel. Dieu n'a pas fini avec l'Église. Dieu n'a pas fini avec le monde. OK? Il veut envoyer. Vas-y, Jean-Paul. Non, merci. Non, c'est pas arrivé. C'est arrivé plusieurs semaines avant. Quand Michel est venu, c'était une confirmation, dans le fond, de ce qui était déjà dans le cœur. En fait, ce qu'il a prêché, une semaine avant, j'avais dit aux frères, à l'équipe pastorale, aux anciens, que j'aimerais prêcher, moi, venir encourager l'Église à annoncer l'Évangile. Et là, j'ai appris que Michel avait à cœur de venir parler de ça. Et j'ai lutté un peu, je dis, c'est moi qui dois faire ça devant l'Église. Ça, je suis franc avec vous, là. Mais, en fait, je dis, non, c'est correct, là. Et Dieu a dirigé autrement. Et je bénis Dieu parce que tout ce qu'il a dit, parce que la plupart des choses qu'il a dites, c'était déjà dans mon cœur, mais pas juste dans le mien, dans celui de tous les frères de l'équipe pastorale, entre autres, et de plusieurs d'entre vous ici, je suis sûr. Donc, un jour, je parle avec Jean-Claude, parce qu'on s'est parlé. Je dis, Jean-Claude, c'est pas la première fois que je disais ça à Jean-Claude. Je dis à Jean-Claude, mais c'est aux anciens, à l'équipe pastorale. Mais au moins 3 ou 4 années de suite, j'arrivais avec ça. On devrait avoir JBEC cette année. Et là, dans le train-train de ce qu'on vivait et tout ça, ça finissait toujours un peu de poisson. Et là, un jour, j'arrive, je dis à Jean-Claude, il y a quelques semaines de ça, je ne sais pas, 2 mois peut-être, 1 mois, peu importe. Jean-Claude, il me semble que l'Église est due pour éclore. Là. Il me semble qu'elle est due pour éclore. Puis Jean-Claude, il était d'accord. OK, on n'était pas d'accord avant, mais Dieu parle dans le cœur, puis on est d'accord que l'Église est due pour éclore. Elle doit fleurir. Elle ne peut pas rester juste. Et on avait prêché il y a un certain temps, plusieurs mois de ça, Gilles avait parlé d'une patate qu'on met dans la terre, une belle patate. Il avait eu une grande qualité. Il met dans la terre pour donner un beau plant de pomme de terre. Et Jean-Claude dit ensuite, et si cette patate, c'était nous, cette pomme de terre-là, c'était nous. Autrement dit, cette pomme de terre mise en terre pour un peu de temps, qui doit porter du fruit après. Et nous sommes d'accord de ça, c'est un principe que Jésus dit. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruit. Et c'est la même chose dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons mourir pour que la vie de Christ fleurisse. Mourir en nous-mêmes. Et c'est l'appel que l'Église a aussi pour elle-même. Parenthèse. Donc, parle avec mon frère, parle avec les autres frères, le commun accord. Oui, on est prêt à recevoir une équipe JBEC. Mais il y avait un projet attaché à ça. C'est, Seigneur, il me semble que tu nous pointes les villages. Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Marc. Et en cours de route, il y a, en tout cas dans mon cœur, là, mais je pense dans le cœur de Gilles, il me semble, mais je peux parler au moins en mon nom, il y a aussi Varennes qui résonne souvent. Ah. Et il y a Belœil. Belœil, Dieu n'a pas fini avec Belœil. J'ai vu cette semaine dans les contacts que Seigneur, les relations que Dieu me donnait d'avoir avec certaines personnes. Il n'a pas fini avec Belœil. On avait prié, Manon et moi, Seigneur, on veut te glorifier là où tu nous envoies. Il nous envoie à Belœil. Dieu n'a sûrement pas fini avec Belœil. Il n'a pas fini. Puis, mais le point, c'est que c'est un appel à nous. Un appel pour nous. OK? Ce n'est pas mon appel. C'est l'appel de l'Église. D'aller. Et le Seigneur nous donne des instructions bien simples. Et soit dit en passant, on a rencontré Guy Lavoie, on a pris une matinée avec lui, exposé le projet, annoncer l'Évangile dans les villages, faire des disciples dans ces endroits-là, et laisser Dieu nous surprendre. Guy Lavoie, c'est le responsable de JBEC. JBEC, Jeunesse Baptiste Évangélique du Québec. Il y a des jeunes qui s'en vont faire le tour de la province du Québec chaque été, pendant 2 mois. Ils viennent aider les églises. Donc, on s'est dit, si on peut avoir quelques jeunes qui viennent aider, avec les gens de l'Église, avec nous-mêmes, qui viennent nous donner un coup de main pour annoncer l'Évangile. C'est du renfort. OK? Et c'est un encouragement en même temps. Ça vient exciter notre zèle ensemble. C'est correct. Mais, après qu'on a rencontré Guy, il faut encore continuer à prier à ce sujet-là, parce que c'est pas sûr, nécessairement, à ce point-ci. Dieu n'a pas accordé à ce point-ci le nombre de Jibécois, de jeunes hommes, jeunes femmes, auxquels Guy s'attend, le nombre, et il va prioriser certaines églises, pour certaines raisons. Mais, on s'attend à Dieu. Si Dieu envoie des jeunes pour entrer dans notre projet, qui est celui de Dieu, j'espère, amen. Sinon, nous avons conclu, nous, on va de l'avant. Nous, on va de l'avant, de toute manière. Donc, on prépare un projet, et que Dieu envoie ce renfort-là, ou pas, on va de l'avant. S'il envoie, on est content, il rentre dans notre travail, et il nous accompagne. Okay? Essentiellement, si je prends Dieu au mot, ça veut dire qu'il faut aller deux par deux. C'est pas compliqué. Et qu'on n'a rien besoin. On n'a rien besoin. On a le Seigneur. On n'a rien besoin d'autre. Ça coûte pas cher annoncer l'Évangile. Ça coûte pas cher faire des campagnes d'évangélisation. Ça coûte pas cher. C'est des choses suscitées par Dieu. Ça coûte rien. En fait, le Seigneur veut se plaire à ce que d'autres personnes qui sont réceptifs à l'annonce d'Évangile, qui sont dignes du royaume, comme Jésus les appelle dans Matthieu, reçoivent ces messagers, prennent soin d'eux. C'est ce que Dieu veut. Personnellement, j'ai des convictions par rapport à certaines, jusqu'où on peut aller, et j'en parlerai pas ce matin, c'est pas nécessaire, là, mais certaines choses où on peut se rendre, certainement qu'on va deux à deux. Certainement, quand je lis le livre des Actes, ça concorde avec ce que le Seigneur donne. Paul et Barnabas, à part, vont. Okay? Ils sont toujours en équipe. Si vous prenez le temps de lire les actes comme ça, souvent on lit les actes de façon bien superficielle, en tout cas je l'ai fait longtemps, puis, mais là, de plus en plus, le Seigneur ouvre le livre des actes devant nos yeux, puis, OK, je comprends de mieux en mieux ce qui se passe. Mais ils envoient par deux. J'ai souvent compris ici que le Seigneur envoie 70, ils envahissent un village. La gang arrive, là, tassez-vous. On peut comprendre comme ça. Mais j'ai plutôt tendance à comprendre comme ça maintenant. Jésus envoie 2 disciples dans un village. Envoie 2 autres dans un autre village. On envoie 2 autres dans un autre lieu. 2 autres dans un autre lieu. Etc., etc. Vous savez, Jésus avait juste 12 apôtres. 12 envoyés de façon plus précise. C'est sur le fondement de 12 hommes, 12 apôtres. Que l'Église a été bâtie, Christ et les apôtres. Et quand Paul et Barnabas sont envoyés, ils sont juste 2. Et si vous lisez Actes 13 à 16, c'est extraordinaire ce que Dieu fait avec 2 hommes et une équipe qui s'ajoute à eux tranquillement. Okay? Donc, l'appel, C'est pas nécessairement de faire, ce n'est pas de faire du porte-à-porte systématique, ding-dong, bonjour, ding-dong, bonjour. Mais, Dieu t'appelle, vous met à cœur d'aller sonner là, mais allez-y sonner, j'en supplie, parce que c'est là qu'il va y avoir du fruit. C'est Dieu, vous comprenez, c'est pas la chair. Laissons Dieu nous guider. Faisons des pas de foi. Et Dieu dit qu'il y a des hommes de paix, des femmes de paix, des hommes dignes, des femmes dignes de lui, dans les endroits où il nous envoie. Alors, ma prière à Jésus, c'est, Jésus, est-ce que tu vas à Saint-Charles? Est-ce que tu vas à Saint-Antoine? Est-ce que tu vas à Saint-Marc? Est-ce que tu vas à Varennes? Est-ce que tu vas à Saint-Denis? Parce que, Seigneur, nous voulons aller où tu vas aller. Ça nous appelle à faire des pas de foi, de chercher cet homme, cette femme de paix-là, ces hommes, ces femmes de paix. Ils dépendent du Seigneur, de façon littérale. Et oui, s'attendre à ce que le Seigneur guérisse, s'attendre à ce que le Seigneur chasse des démons à travers quelqu'un. Il ne faut pas être scandalé de ces choses. C'est dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ne soyons pas scandalés. Si nous, entre nous, on ne peut pas parler de ces choses, mais qui va le faire? Qui va le faire? Il leur dit, il leur parle, c'est disons, prier le Seigneur qui envoie des ouvriers dans sa moisson, qui les pousse dans sa moisson. Que le Seigneur bénisse les pas. Il dit qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui l'envoient, annoncer les bonnes nouvelles. Ils sont beaux, les pas de l'Église. Les messagères de bonnes nouvelles sont nombreuses. C'est écrit dans les psaumes. C'est pas nécessairement tout précis ce que j'ai dit ce matin, je sais. Mais si vous avez retenu l'essentiel, c'est que sans la foi, on peut pas plaire à Dieu, mais que la foi, elle peut tout. Que le Seigneur n'a pas changé. Que les disciples qui ont mis en pratique la foi en Jésus-Christ, dans les évangiles, et cette même foi-là est accessible pour nous aujourd'hui, et qu'on peut nous aussi mettre en pratique l'appel de du Seigneur, en fait c'est le commandement du Seigneur à travers nous. Et la façon de l'appliquer, de le mettre en pratique maintenant, bien, l'appel est lancé à vous. Qui va marcher pour nous? Pas pour moi, là. Pour nous, pour le Seigneur. Donc, cet appel-là, il commence déjà. Gilles et moi, on veut commencer à... En fait, je pense chacun de notre côté, on a scruté un petit peu les villages, là. Mais on veut commencer déjà à aller à tâter le terrain, le pouls. Donc, annoncer l'Évangile. Aller déjà chercher ces hommes, ces femmes de paix que Dieu réserve. Maintenant, s'il y a deux personnes qui disent « Moi, je viens », on ira dans deux villages, c'est tout. S'il y en a six, on ira dans trois villages, deux par village. Et vous savez, le village est à vous. Il est à Christ, mais it's all yours. Allez-y. Faites des disciples. Cherchez ceux qui sont perdus. Priez. OK? Je vais arrêter ici. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Toute personne, n'importe qui. Et c'est ce qui résonne dans mon cœur.